Yo t'as la pêche soul. Tout le temps choice, t'es sur le beat choice. Ouais, tout le temps soul. Et yo et toi aussi. Ouais, toujours actif. Pour le dabmatique, le mouvement constructif. Rien n'égale original. Introduction musicale, prouesse vocale. Sur l'instru pour ton mental. Ma clique débarque de Montréal, s'installe. Authentique avec tact de notre quartier général. Au siège Steven Seagal, qui poursuit sa mission lexicale. Pugeant de sa plume comme il le ferait d'un gilet pare-balles. Balle dans mon camp. Tout d'envoi c'est parti, revoici le DUP. Toujours précis. Sans facétie ni compromis d'atomique, on nous qualifie. Fiction ou réalité, le décompte est lancé. 5, 4, 3, 2, 1. Tu ne peux y échapper. Laisse le son te pénétrer. L'unité fait notre force en nous permettant d'avancer. Devise ne pas écouter, les faut rester focalisés. Technique unique, élaboration stratégique. Pour qu'au fond de toi se produise enfin le déclic. Yes, yes, oh là, oh là. Tout le temps choice, t'as la pêche choice. Ouais, tout le temps gars. Hey yo et toi dissoul. Ouais, sans faire de zèle. Faites place au D-I-S-O-U-L. Vise encore le dogmatique dans la place, surplombant la base. Au son du funk, je passe mes dédicaces à tous les artisans agissants. Partisans du mouvement. Où vient ta pointe, à qui sait bien prendre son temps. J'efface le dernier, juste pour m'imprégner des ondes positives. Dégagées par cette ambiance improvisée, plaisante et simple. Pas de mouvement qui éreint, ni de gestes brusques qui rendent la soirée succincte. N'entends-tu pas la basse, les décibels sensationnels. Comment ne pas répondre à l'appel, rien que pour le plaisir de tes oreilles. Laisse cette tracade, tes soucis au vestiaire. Sois pas vénère, bouge ton derrière. L'atmosphère est chargée d'électricité, le son devient nécessité. Jusqu'au bout de la nuit, il pourra nous emmener. M'enivrant des plus subtiles voluptés. Accoudé au bar, à boire, j'ai commandé. Yes, yes, yes. Et yo et toi aussi. Ouais, t'inquiète, tout glisse. Sur le beat aussi, MC mène le jam session à son paroxysme. L'influence sur la piste de danse est aux adeptes du break. Les mains, les pieds laissent, rien ne les arrête du reste. Des pas ambigus s'élaborent. Les corps s'entremêlent sans effort. Le but faire monter le score pour qu'on s'en souvienne encore. Ne reste pas figé sur le plancher comme un garçon. Si tu ressens le son, bouger est la solution. En tant que maître de cérémonie, on remet de l'ordre ici. Les 10, bouge ton body. Quand l'ambiance y est relax, cool au max. Le bon son s'enchaîne sur le wax. La musique y est toujours efficace. Comme mes rimes le sont sur la mélodie. Des années j'ai appris que la sincérité n'a pas de prix. À l'intérieur, j'admets il fait une sacrée chaleur. Car l'endroit regorge d'infatigables danseurs. L'heure est à la old school. À chacun des mix de choice, j'entends hurler spontanément la foule. Yes, yes, y'all, and you don't stop. A freak, freak, y'all, and you don't quit. Yes, yes, y'all, and you don't stop. It's the beat, y'all. And yo, they make it hot, yes, yes, y'all.